Je rêve moi aussi de faire Star Academy, rester dans le château de Pierre-Carl Pelado. À chaque fois que j'irai aux toilettes pour pisser, je ferai par exprès pour mal viser. J'arroserai son beau plancher jusqu'à tout inonder. J'utiliserai sa robe de chambre pour me torcher. Je mettrai tous les concurrents en danger en pointant sur eux une arme chargée. La police viendrait sûrement pour m'arrêter, mais en prison je viendrai moins aliéné. Je croupirai dans ma cellule à péter les bulles, mais ça serait mieux au moins que de devenir académicien.